Et ce n'était pas toujours le mariage qui était le plus grand écueil de ces passions d'origine idéale. Dans cet hôtel de Rambouillet, où grands seigneurs, nobles dames, écrivains célèbres se rencontraient, les rangs étaient confondus, et l'esprit seul était roi. Ne nous arrêtons pas à ces brillants causeurs, qui, sans en excepter voiture, n'ont pu transmettre à la postérité toutes ces pointes, toutes ces spirituelles saillies, dont le sens est aujourd'hui perdu pour nous. Ne donnons même qu'une rapide attention à Balzac, qui, bien oublié de nos jours, eut cependant le mérite de mettre au service de la morale son éloquence artificielle, et dont les écrits présentent la forme définitive de la langue française. Parmi les esprits d'élite qui reçurent l'influence de l'hôtel de Rambouillet, je ne fais que nommer à présent deux femmes célèbres, que nous retrouverons tout à l'heure, Madame de Sévigné, Madame de Lafayette. Mais ne nous retirons pas de la chambre bleue, sans y avoir salué trois hommes qui personnifient dans des sphères différentes la véritable grandeur, Corneille, Bossuet et entre eux l'héroïque vainqueur de Rocroi, Condé. Les tragédies de Corneille étaient lues à l'hôtel de Rambouillet, et certes c'était là, de la part du poète, un hommage reconnaissant. Si son génie, si la trempe romaine de son caractère n'appartenait qu'à lui, il respirait dans le salon de la marquise l'atmosphère des sentiments héroïques. Il y apprenait la langue ferme et vigoureuse des hommes d'État qui s'y groupaient. Ajoutons qu'il y prenait aussi le goût des pointes italiennes, des rodomontades espagnoles, et parfois d'une fausse exagération de l'honneur. Mais, somme toute, la grandeur dominait dans ce cercle d'élite. Et lorsque Corneille y parlait des sacrifices de la passion au devoir, il avait devant lui des auditrices dignes de le comprendre, et même de l'inspirer. L'influence de la marquise de Rambouillet s'étendit jusque sur l'architecture et les arts décoratifs. Jeune femme, elle avait dessiné elle-même le plan de l'hôtel qu'elle se faisait construire rue Saint-Thomas du Louvre. Elle y fit deux innovations qui furent adoptées par l'architecture. Pour augmenter l'étendue de ses salons, elle fit placer à l'un des coins de l'hôtel l'escalier qui avait toujours figuré au milieu des constructions de ce genre. Puis, à la face postérieure, donnant sur le jardin, des fenêtres occupant toute la hauteur du rez-de-chaussée ajoutaient de vastes perspectives de verdure au salon où elle faisait ruisseler à flot l'air et la lumière. En vraie fille de l'Italie, la jeune marquise avait aimé cette belle lumière, jusqu'au jour où une cruelle infirmité l'obligea de se renfermer dans l'alcôve, dont la ruelle devint le rendez-vous des beaux esprits. La célèbre chambre bleue de Madame Rambouillet était elle-même chose nouvelle. Jusqu'alors, le rouge et le tanné étaient les seules couleurs employées pour décorer les appartements. La belle marquise fut la première qui donna à sa chambre une tenture de velours bleu ornée d'or et d'argent. Avec les grands vases de cristal où s'épanouissaient les gerbes de fleurs, avec les portraits des personnes qu'aimait la marquise et les tablettes sur lesquelles se rangeaient ses livres, on distinguait encore chez elle des lampes d'une forme particulière qui ne nous est pas connue. Mais quittons l'hôtel de Rambouillet avant sa décadence littéraire. Un jour vint où l'affectation du bel esprit, défaut qui n'avait jamais été étranger à la chambre bleue, domina dans le cercle de la marquise, et surtout dans les salons qui s'étaient formés sur ce modèle, salons où de fausses précieuses, exagérant jusqu'au ridicule les scrupules d'une fausse délicatesse, méritèrent la satire de Molière. Mais d'autres cercles échappèrent à ce reproche. Dans sa résidence du Petit Luxembourg, que peuplaient des statues antiques, des tableaux de Léonard de Vinci, du Péruguin, de Rubens, de Dürer, la duchesse d'Aiguillon groupait avec Corneille, Saint Évremond, Racan et les beaux esprits qu'elle rencontrait à l'hôtel de Rambouillet, les grands artistes de l'école française, le Poussin, le peintre de l'idée, le Sueur, le peintre du sentiment, surtout du sentiment chrétien, austère et tendre à la fois, le Lorrain, le paysagiste et idéaliste, le peintre de la lumière. La nièce de Richelieu avait défendu auprès de son oncle l'auteur du Cid et le grand poète l'en remercia en lui dédiant ce chef-d'œuvre. Elle protégea aussi Molière. La ferme raison de la duchesse la prémunissait contre l'exagération de la préciosité et ne permettait pas que les défauts de l'hôtel de Rambouillet fussent contagieux dans son salon. C'était encore une école de bon goût que le salon d'une autre élève de Madame de Rambouillet, cette spirituelle marquise de Sablé, qui avait répandu en France la mode de la galanterie castillane. Quand vint la vieillesse, Madame de Sablé, devenue janséniste, réunit dans son salon de Port-Royal Arnaud, Nicole, Pascal et sa sœur, Madame Perrier, le duc de La Rochefoucauld, Madame de Lafayette, Saint-Évremond sans doute, si c'est bien lui qui, sous un pseudonyme, dédia à Madame de Sablé ses premières études, la duchesse de Liancourt dont j'ai cité les mémoires domestiques, sa belle-sœur Marie de Hautefort, maréchal de Schomberg, la duchesse d'Aiguillon, monsieur et madame de Montaussier, des princes du sang parmi lesquels le grand Condé. Dans ce cercle, dans ce coin de Port-Royal, on cultivait de préférence la théologie, la physique elle-même et aussi la métaphysique, surtout la morale prise dans sa signification la plus étendue. C'était sous la forme des maximes que la morale se condensait dans ce milieu. La maîtresse de la maison en donnait l'exemple. L'abbé d'Ailly, Jacques de Esprit, le jurisconsulte Domat, cédèrent à cette influence. M. Cousin a conjecturé que Pascal lui-même avait pu écrire plusieurs de ses pensées pour le salon de Madame de Sablé. Mais ce fut assurément le cercle de la marquise qui produisit les maximes de La Rochefoucauld. À l'honneur de Madame de Sablé et des femmes de sa compagnie, disons que, tout en appréciant le mérite de La Rochefoucauld, elle ne se plaisait pas à le voir considérer l'amour-propre comme le mobile de toutes les actions. Quelques-unes d'entre elles réfutèrent avec esprit et délicatesse le duc misanthrope. Madame de Sablé, malgré son indulgente affection pour son ami, ou plutôt à cause même de cette affection, ne put entendre sans protester cette indigne maxime. L'amitié la plus désintéressée n'est qu'un trafic, où notre amour-propre se propose toujours quelque chose à gagner. Elle y répondit par d'autres maximes, où elle établissait le caractère de la véritable amitié avec une élévation de sentiment, à laquelle ne répondait cependant pas toujours la vigueur de l'expression. L'amitié est une espèce de vertu qui ne peut être fondée que sur l'estime des personnes que l'on aime, c'est-à-dire sur les qualités de l'âme, comme la fidélité, la générosité et la discrétion, et sur les bonnes qualités de l'esprit. Il faut aussi que l'amitié soit réciproque, parce que dans l'amitié, l'on ne peut, comme dans l'amour, aimer sans être aimé. Les amitiés qui ne sont pas établies sur la vertu et qui ne regardent que l'intérêt et le plaisir ne méritent point le nom d'amitié. Ce n'est pas que les bienfaits et les plaisirs que l'on reçoit réciproquement des amis ne soient des suites et des effets de l'amitié, mais ils n'en doivent jamais être la cause. L'on ne doit pas aussi donner le nom d'amitié aux inclinations naturelles, parce qu'elles ne dépendent point de notre volonté ni de notre choix, et quoiqu'elles rendent nos amitiés plus agréables, elles n'en doivent pas être le fondement. L'union, qui n'est fondée que sur les mêmes plaisirs et les mêmes occupations, ne mérite pas le nom d'amitié, parce qu'elle ne vient ordinairement que d'un certain amour propre qui fait que nous aimons tout ce qui nous est semblable, encore que nous soyons très imparfaits, ce qui ne peut arriver dans la vraie amitié, qui ne cherche que la raison et la vertu dans les amis. C'est dans cette sorte d'amitié où l'on trouve les bienfaits réciproques, les offices reçus et rendus, et une continuelle communication et participation du bien et du mal, qui dure jusqu'à la mort sans pouvoir être changée par aucun des accidents qui arrivent dans la vie, si ce n'est que l'on découvre dans la personne que l'on aime moins de vertu ou moins d'amitié, parce que l'amitié étant fondée sur ces choses-là, le fondement manquant, l'on peut manquer d'amitié. Celui qui aime plus son ami que la raison et la justice aimera plus en quelque autre occasion son plaisir ou son profit que son ami. L'homme de bien ne désire jamais qu'on le défende injustement, car il ne veut point qu'on fasse pour lui ce qu'il ne voudrait pas faire lui-même. Cette femme distinguée avait aussi écrit des réflexions sur l'éducation des enfants. De telles maximes ne répondent-elles pas victorieusement aux moralistes qui ont cru la femme incapable d'amitié? Tandis qu'à Port-Royal, Madame de Sablé donnait naissance à la littérature des maximes, Mademoiselle de Montpensier, la grande mademoiselle, mettait à la mode les portraits. Ce double courant produisit les caractères de La Bruyère. Une femme célèbre, qui figurait à l'hôtel de Rambouillet, au Petit Luxembourg, et qui avait elle-même des réceptions littéraires, mais plus bourgeoises, les samedis, Mademoiselle de Xudéry a largement payé son tribut à la mode des portraits, en peignant dans ses immenses romans les personnages qu'elle voyait dans le monde. Elle nous a aussi donné dans ses volumes le modèle des conversations qui se tenaient dans les ruelles des Précieuses. Ces romans, qui semblaient ridicules lorsque l'on croyait y voir la peinture travestie des mœurs perses ou romanes, ont acquis un véritable intérêt, depuis que M. Cousin a retrouvé une clé qui nous fait reconnaître dans les personnages du Grand Cyrus et de la Clélie les brillants contemporains de la féconde romancière, leurs sentiments héroïques, leur langage noble, délicat et poli. Mademoiselle de Scudéry écrivait en outre 10 volumes de conversations sur des sujets de morale et qui reproduisent aussi le langage de la bonne compagnie d'alors. En recevant une partie de ces conversations, Fléchier, à cette époque, évêque de Lavaure, écrivait à Mademoiselle de Scudéry. Tout est si raisonnable, si poli, si moral et si instructif dans ces 2 volumes que vous m'avez fait l'honneur de m'envoyer, qu'il me prend quelque envie d'en distribuer dans mon diocèse, pour édifier les gens de bien et pour donner un bon modèle de morale à ceux qui la prêchent. Ainsi que le fait remarquer M. l'abbé Fabre, ce passage rappelle assez exactement l'enthousiasme excessif de Mascaron. Mascaron qui écrivait à la célèbre romancière qu'en préparant des sermons pour la cour, il la plaçait auprès de saint Augustin et de saint Bernard, mais, ajoute M. l'abbé Fabre, c'est vraiment la gloire de Mademoiselle de Scudéry d'avoir su, dans un genre frivole et gâté par tant d'autres écrivains, développer des sentiments assez purs et des idées assez généreuses pour mériter l'approbation d'évêques également recommandables par leur lumière et leur vertu. Fléchier avait connu à Paris Mademoiselle de Scudéry. Il avait pu même y figurer parmi ses commensaux avec Conrart, Huette, Chapelain, Montausier et ce noble Pélisson, qu'unissait à Mademoiselle de Scudéry l'amitié la plus pure et la plus généreusement dévouée. Le futur évêque de Nîmes était l'hôte assidu d'un autre salon, celui de Madame des Houlières, le poète gracieux qui en faisait les honneurs, aidé de sa charmante fille. Fléchier rencontrait dans cette maison, avec quelques habitués des samedis, Mascaron, le duc de la Rochefoucauld, et une élite de grands seigneurs. L'attachement que Mademoiselle des Houlières inspira à Fléchier dicta à celui-ci des lettres où se reconnaît l'auteur des grands jours d'Auvergne, l'auteur mondain encore, qui, dans l'allure mesurée, élégante et souvent maniérée de sa phrase, décoche avec une grâce infinie les traits piquants et les malices aimables. Par le précieux qui se mêle à ses qualités si françaises, Fléchier nous fait bien voir qu'il n'avait pas impunément respiré l'atmosphère des ruelles. Une autre influence féminine lui avait fait composer son étincelant ouvrage « Des grands jours d'Auvergne ». Il céda en l'écrivant au désir de Madame de Coumartin. Cette aimable et spirituelle femme qui avait aussi décidé le cardinal de Retz à composer ses mémoires. Partout dans le XVIIe siècle, la femme apparaît derrière les œuvres de l'intelligence. Mais le plus souvent, ce n'est que pour les inspirer ou les encourager. Qui ne connaît la sollicitude avec laquelle de zélées protectrices, la duchesse de Bouillon, Marguerite de Lorraine, duchesse Douairière d'Orléans, Madame de la Sablière, Madame Hervart, pourvurent à l'existence de l'insoucieux La Fontaine et permirent ainsi à son génie un libre essor. Madame Montespan, Madame de Thianges, protègent aussi le poète. Mais il faut dire, toutes les bienfaitrices de La Fontaine n'encouragent pas seulement en lui, comme Madame de la Sablière, le fabuliste qui donnait une conclusion souvent moralisatrice à ses petits chefs-d'œuvre, où l'esprit français se joue avec une grâce et une naïveté inimitables. C'est l'auteur des contes, l'auteur licencieux qu'encourage à ses débuts la duchesse de Bouillon. Au déclin de sa vie, lorsque la pure influence de Madame de la Sablière avait puissamment contribué à ce que le poète renonça à cette littérature corruptrice, une autre femme, dont je ne pourrais tracer le nom qu'avec dégoût, obtint de La Fontaine qu'il revint aux écrits immoraux qui flattaient les vices de cette indigne créature. La Fontaine témoignait à ses bienfaitrices toute sa reconnaissance, en leur offrant l'hommage de ses œuvres. Ce n'étaient naturellement que des fables qu'il dédiait à Madame de la Sablière. Élevons-nous nos regards sur le trône de France, nous y verrons encore la femme protéger les lettres, les arts. Anne d'Autriche accepte la dédicace de Paul Jucht. Elle fait construire, d'après les dessins de Mansart, l'abbaye du Val-de-Grâce, dont le muet continuera l'église et élèvera le superbe dôme. La reine envoie à Rome un religieux de l'ordre des Feuillants, pour y faire dessiner les monuments les plus célèbres de l'Antiquité. Puget, alors inconnu, accompagne ce religieux. À la suite d'un rêve, Anne d'Autriche inspire à Lebrun la composition du crucifix aux anges. Sa belle-mère, Marie de Médicis, avait aussi encouragé la peinture. Elle avait confié à Rubens la décoration d'une galerie du Luxembourg. Mais la princesse, qui donne à l'illustre flamand ce témoignage d'estime, n'oublie pas l'art français. Le peintre Fréminet lui doit le cordon de Saint-Michel. Sur la première marche du trône de Louis XIV, Henriette d'Angleterre est proclamée l'arbitre du goût à la cour de France, par l'harmonieux Racine, qui lui dédie Andromaque. J'ai rappelé dans un chapitre de ce livre comment Madame de Maintenon fit éclore Esther et Athalie. Mais ce fut la femme en général, qui inspira à Racine ses plus vivantes créations, ces types immortels qui ont fait de lui le peintre des femmes. Ce n'était plus alors la forte génération des contemporaines de Corneille qui posait devant lui, et si, plus d'une fois, il fit voir dans ses héroïnes la beauté morale, unie à cette exquise tendresse de cœur qu'il savait si bien traduire, il se plut aussi à peindre dans ces types féminins un spectacle que ne lui offrait que trop la cour de Louis XIV, la victoire de la passion sur le devoir. Je remarquai tout à l'heure que dans les lettres et les arts du XVIIe siècle, la femme inspire plus qu'elle ne produit. Le talent n'a cependant pas manqué alors aux femmes. À propos des cercles littéraires, j'ai cité deux femmes de lettres distinguées, Mademoiselle de Sudéry, Madame des Houlières. J'ai à nommer encore une grande dame, pour qui la littérature fut, non une profession, mais un passe-temps, Madame de Lafayette, et au-dessus d'elle, la seule de toutes les femmes du XVIIe siècle qu'ait couronnée l'auréole du génie, bien qu'elle n'y prétendît pas, ou plutôt parce qu'elle n'y prétendait pas, Madame de Sévigné. Madame de Lafayette et Madame de Sévigné reçurent toutes deux l'influence de l'hôtel de Rambouillet, mais elles n'en conservèrent que la délicatesse de goût. Un naturel exquis les prémunit contre l'affectation de la préciosité. Comme Madame de Motteville, qui apporte dans ses souvenirs une remarquable élévation morale, comme la grande Mademoiselle, Madame de Lafayette a écrit d'intéressants mémoires historiques, mais elle est surtout connue par ses romans. Elle excelle dans l'analyse psychologique, dont Mademoiselle de Sudéry avait donné l'exemple, mais aux interminables romans de sa devancière, elle fait succéder des ouvrages d'imagination ayant un caractère tout nouveau, la mesure. Pour elle, un ouvrage valait plus encore par ce qui n'y était pas que par ce qui y était. Elle disait « Une période retranchée d'un ouvrage vaut un louis d'or, un mot 20 sous ». M. Sainte-Beuve a fait ici cette remarque. Cette parole a louable valeur dans sa bouche, si l'on songe au roman en 10 volumes dont il fallait avant tout sortir. Proportion, sobriété, décence, moyens simples et de cœur, substitués aux grandes catastrophes et aux grandes phrases, tels sont les traits de la réforme. Ou pour parler moins ambitieusement de la retouche qu'elle fit du roman, elle se montre bien du pur siècle de Louis XIV, en cela. La princesse de Clèves est l'expression la plus achevée de cette méthode. Mais sous une forme nouvelle, c'est toujours l'idéal de l'hôtel de Rambouillet, l'idéal de Corneille, la passion sacrifiée au devoir. Et dans quelles conditions? Mariée sans amour au prince de Clèves, Mademoiselle de Chartres a inspiré dès la veille de son mariage au beau-duc de Nemours une vive passion qui à son insu a pénétré dans son propre cœur. Épouse, elle lutte de toute la force de sa vertu contre une affection coupable. Mais un jour, elle ne trouve d'autre moyen de salut que de fuir le lieu du combat, de quitter la cour. Le prince de Clèves s'y oppose. Alors a lieu dans le parc de Coulommiers, entre le mari et la femme, une suprême explication qui n'a d'autre témoin qu'un homme qui se cache et dont les deux époux ne soupçonnent pas la présence. Un homme qui ne sait pas et qui ne doit pas savoir que la femme qu'il aime répond à sa tendresse. Le duc de Nemours entend le prince de Clèves supplier sa femme de lui dire pourquoi elle veut se retirer du monde. Mais laissons Madame de Lafayette nous raconter elle-même la scène extraordinaire qui est demeurée célèbre. « Ah, madame !» s'écria Monsieur de Clèves, « votre air et vos paroles me font voir que vous avez des raisons pour souhaiter d'être seule. Je ne le sais point, et je vous conjure de me les dire. » Il la pressa longtemps de les lui apprendre sans pouvoir l'y obliger. Et après qu'elle se fut défendue, d'une manière qui augmentait toujours la curiosité de son mari, elle demeura dans un profond silence, les yeux baissés. Puis tout d'un coup, prenant la parole et le regardant,